Chapitre 6. L'attaque du château. Est-il besoin de poursuivre ce récit? Et nous faut-il, après tant d'autres, montrer le roi et la famille royale confinés dans un réduit misérable où, durant 17 heures, ils eurent à recueillir toutes les humiliations et tous les outrages, où ils assistèrent à leur propre déchéance et à l'agonie de la royauté? Ah, le fils de Henri IV, au fond de la loge du logographe, d'où il voyait se dérouler toutes les scènes de ce lamentable spectacle, dû plus d'une fois regretter avec amertume de n'avoir pas eu la fortune de mourir, l'épée à la main, dans le tourbillon d'un combat. La famille royale était déjà depuis 2 heures sous les regards de l'assemblée, lorsque tout à coup une fusillade, accompagnée de décharges de mitraille, dont les échos se répercutaient sous la voûte de la salle du manège, annonça qu'une lutte était engagée entre les assaillants et les défenseurs du château. Le départ du roi avait porté le découragement dans l'âme des gardes nationaux fidèles. À l'exception d'une centaine d'entre eux, tous s'étaient dispersés. Mais les Suisses, hommes de discipline, commandés par des officiers qui avaient au plus haut degré le sentiment du devoir et de l'honneur militaire, attendaient un ordre du roi avant de quitter leur poste. Le maréchal de Mailly, gouverneur du château, ne leur avait donné que cette consigne « Ne vous laissez pas forcer ». 150 d'entre eux ayant accompagné le roi à la salle du manège, 750 seulement occupaient les Tuileries. Abandonnant leur première ligne de défense, ils s'étaient retirés dans les appartements, sur les marches du grand escalier et sous les voûtes du péristyle. Cependant, l'armée de l'insurrection se massait sur le carrousel. Aux hordes faubourienne, conduite par Santerre et son beau-frère Alexandre, s'était jointe l'ignoble tourbe de ces bandits cosmopolites qu'on appelait les fédérés brestois ou marseillais. À la tête de ces derniers se trouvait le Prussien Westermann, le seul parmi ces chefs de l'émeute qui eut quelque valeur et quelque courage. Cédant aux injonctions des canonniers restés dans les cours, les concierges ouvrent les portes et la foule, fraternisant avec les canonniers et les gendarmes, se précipite vers le palais, s'efforçant d'attirer à elle et de séduire les Suisses postés aux fenêtres. Parmi ceux-ci, quelques-uns jettent aux émeutiers des paquets de cartouches, indiquant ainsi qu'ils n'ont point l'intention d'engager une lutte que leurs consignes ne leur prescrivaient pas. Les hommes de Westermann, enhardis par cet accueil, pénètrent sous les voûtes du péristyle. Après avoir essayé divers moyens de séduction pour fléchir les impassibles soldats qui garnissent les marches du grand escalier, les brigands leur prodiguent les insultes et en viennent bientôt aux voies de fait. Quelques Marseillais, armés de longs crocs, de mariniers, cherchent à prendre les Suisses par leur fourniment. Un coup de pistolet retentit. Les fusils des soldats s'abaissent et dirigent un feu plongeant sur les fédérés qui fuient en désordre. En un clin d'œil, le péristyle, les cours du château, le carrousel sont balayés. Les vainqueurs auxquels s'étaient réunis les gentilshommes et des gendarmes nationaux, poursuivant leur succès, font une sortie. S'emparent de 2 canons et se rassemblent sur le carrousel, d'où ils tiennent en respect les canonniers embusqués derrière les maisons voisines. Les abords du château étaient dégagés. Une charge de cavalerie eût achevé la déroute de l'émeute. Mais la gendarmerie à cheval s'était dispersée, ou était passée à l'insurrection. C'est dans ce moment que Dervilly paraît, porteur d'un ordre du roi, qui ordonne à ses défenseurs de cesser le feu et de rentrer dans leur caserne. Les Suisses se mettent en devoir d'obéir. Ils se rassemblent lentement au signal des tambours, et se formant en colonne, ils s'engagent dans la grande allée du jardin. Les insurgés, n'entendant plus le bruit de la mousqueterie, reprennent courage. Les plus déterminés, dit M. Mortimer Ternaux, se hasardent à travers la place du carrousel, mais avancent lentement, craignant à chaque instant de tomber dans une embuscade. Ils pénètrent jusqu'au-delà des bâtiments incendiés et arrivent sous le vestibule du grand escalier, 5 minutes après que les derniers pelotons des Suisses l'ont abandonné.